Pourquoi la photographie est un art qui dérange? Le 19 août 1839, Louis-François Arago présenta devant les académies réunies une invention qu'on appelait alors le daguerréotype, pour rendre hommage à Jacques Mandé Daguerre, qu'il avait mis au point en tirant parti des recherches de son associé Nicéphore Niépce. Après avoir signalé ce que la science et l'histoire pouvaient attendre de cette découverte, Arago ajouta qu'elle rendrait aussi un immense service aux artistes. Cet éminent républicain, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et représentant du peuple à la Chambre des députés, avait alors tenté de mobiliser sa notoriété pour convaincre ses contemporains que l'appareil photographique pouvait être l'instrument d'un art nouveau. Pourtant, pendant près d'un siècle, la photographie a entretenu des relations très difficiles avec le monde des élites cultivées. Charles Baudelaire la considérait comme la plus mortelle ennemie de l'art et du beau. Eugène Delacroix, craignant que la photographie transforme l'artiste en une machine attelée à une autre machine, plaidait pour que soit érigé un solide rempart contre sa prétention à acquérir une légitimité artistique. Dès cette époque, les photographes qui souhaitaient que leur savoir-faire puisse être reconnu comme un art véritable durent se battre sur deux fronts. Non seulement il fallait convaincre les écrivains et les artistes, mais ils devaient aussi prendre leur distance à l'égard d'une industrie photographique de plus en plus envahissante. Ils s'engagèrent alors dans un effort collectif d'autonomisation de la pratique photographique en fondant des revues spécialisées comme La Lumière, née en 1851, et en se regroupant au sein d'une association professionnelle, la Société française de photographie, créée en 1854 et qui existe toujours aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale, les mouvements iconoclastes qui secouèrent le monde des arts et des lettres, comme le dadaïsme, le surréalisme, le futurisme, multiplièrent les expérimentations associant sur des modes inédits la photographie et l'art. À la question « Une photographie peut-elle avoir un sens artistique ?», Marcel Duchamp, fidèle à sa réputation, répondit de façon ironique. « J'aimerais qu'elle dégoûte les gens de la peinture jusqu'au moment où quelque chose d'autre rendra insupportable la photographie. » Toutefois, au cours des décennies suivantes, le statut artistique de la photographie continua à poser problème en raison des progrès techniques incessants qui caractérisent cette forme de représentation de la réalité. L'invention des premiers appareils photo de poche par la société Kodak entraîna une telle prolifération des clichés que les photographies bénéficiant d'une reconnaissance artistique furent noyées dans un océan d'images. Plus récemment, la révolution du numérique qui marqua la fin de l'émulsion chimique au profit de la captation électronique, puis de la reconstitution informatique de l'image, bouleversa à nouveau le monde de la photographie, obligeant les professionnels à redéfinir leur rapport avec ce qu'ils considèrent comme un art.